Yeah. Trixie, hein. Bon et mauvais temps. Bon et l'orage. R.I.P. Oui. Ma fille. Yeah. Hein? Nous on pas mieux qu'ils autres, mais y'en arrivé loin. Délai en qu'on autres, mais t'as arrivé moins. Allant tout en moins y'a sombre, y'en idée l'idée noire. M'en fous à les autres, moi je prends soin des miens. Nous vais ma gola, nous pas qu'à travailler pour miette. Ou les vies en ciel, ou tout seul en merde. Ou à qu'à fête en moins, si vrai faut ou fête. Ou puis importe ça y fait. Restez dans tes temps, y'a qu'il vit en qu'il est. Me pas j'irai qu'il est, amitié à y'a calculé. Pas bizarre affilié, ou à passer droit les hommes. Ou à filmer, un toujours en mouvement, un pas qu'en raciné. Les têtes en qu'à chauffer, sentiment qu'à calciner. Ou pas ni pompule, pourquoi ou qu'à agiter. Toujours point technique, fait preuve d'agilité. Pas ni facilité, mais toujours milité. Difficile d'être soi-même, plus facile d'imiter. Authenticité en moins, en page diluée. En carapé à nu, pendant que je la dénudé. Ben et haine qu'à mélanger, et diable qu'à remuer. Yeah. Un vrai méchant, c'est un long et un large. Un bon étoile, deux pavés, moi le large. Déployer ses mais au point, y'a la nage. Un bon et mauvais temps, bon et l'orage. Un vrai méchant, c'est un long et un large. Un bon étoile, deux pavés, moi le large. Déployer ses mais au point, y'a la nage. Un bon et mauvais temps, bon et l'orage. Un bon et mauvais temps. Un bon et éclair, on fait des mauvais choix, on fait des erreurs, on veut améliorer, on veut vivre meilleur, réaliser rêve en moins pour y vivre réel. Faux et mauvais vibes, on veut rayer. Tout ça au café, faut payer. Pas pleurer peine, faut guerrier. Là où qu'on entreprendre, faut sérieux. Villa, bon film, à bon série. Ni ça qui enferme, ni ça qui périt. Qu'est-ce moins qu'à saigner, ça qu'à vivre pénible. J'espère voir le soleil au bout du périple. Ni ça qui maudit, ni ça qui bénit. Pas bizarre dans la terre pour ni génie. Non, moi là, derrière toi, autant me chéri. Portez pour un péché, on pas attraper l'ernie. Nous toujours entier, nous pas demi. Sans maman, sans papa, on vient qu'on remis. Qu'on si tout ça t'est écrit, tout ça t'est prédit. Rêver d'un paradis, de envie paisible. On capété, on fusible. Nous quand entre tuer nous pour vite futile. Nous qu'à vivre, vie en nous, mais nous on sursis. Le moment là que surgit, faut pas nous surprise. Un vrai méchant, c'est un long et un large. Un bon et quoi, de l'eau bavé pour le large. Du braille et zèle, moins au point, y'a la nage. Un bon et mauvais temps, bon et l'orage. Un vrai méchant, c'est un long et un large. Un bon et quoi, de l'eau bavé pour le large. Du braille et zèle, moins au point, y'a la nage. Un bon et mauvais temps, bon et l'orage. Bon et mauvais temps, bon et l'orage.